Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette 14e chronique des ondes positives. Une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose, et je vous propose aujourd'hui de parler d'une célèbre loi, la loi d'attraction. Fadjet, les ondes positives. Le bonheur dans votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Du fond des âges, le très sage Marc Aurèle nous livre les clés d'un des plus grands mystères de l'univers. Déjà, l'empereur mais aussi philosophe de l'Antiquité avait compris que l'environnement de nos pensées intérieures influait, déteignait sur l'environnement de nos actes à l'extérieur. Je vous invite aujourd'hui à plonger avec moi dans une émission spéciale sur l'histoire de cette fameuse loi d'attraction et sur son mode de fonctionnement. Savez-vous qu'environ 60 000 pensées traversent notre esprit chaque jour? Et parmi cette masse d'informations, plus de 90% d'entre elles sont les mêmes que nous avons eues la veille et les mêmes que nous aurons demain. Qu'est-ce que cela dit de nous? Et comment cela peut-il nous être utile pour transformer notre quotidien? Eh bien, cela démontre dans un premier temps que l'être humain est immergé dans un ruminement constant de ses pensées, et que ces pensées influent sur sa manière d'être et d'agir. Si vous êtes en permanence en train de broyer du noir ou de ressasser des événements tristes, vous adopterez une attitude identique à la nature de vos pensées. Et quoi qu'il arrive dans votre journée, vous allez automatiquement chercher tout ce qui vient confirmer le fait que vous n'avez pas de chance ou être malheureux. Si au contraire, vous vous sentez dans un bon jour, tout va vous sourire et vous allez prendre la vie du bon côté. Brillant avocat qui enchaîne les succès au début du XXe siècle, William Walker Atkinson a tout pour lui, jusqu'à ce que son rythme de carrière le conduise au burn-out. Il utilise alors un courant développé à cette époque, celui de la nouvelle pensée, pour se sortir de sa dépression. À la suite de cela, Atkinson ne s'arrête pas là et part de la loi d'attraction universelle de Newton pour proposer un modèle théorique qui s'étend non plus seulement à la matière, mais aussi à l'univers des pensées. En soumettant cette idée, le semblable attire le semblable dans le monde des pensées. Donc, les énergies similaires s'attirent. Aussi, premier conseil pour débloquer votre pouvoir d'attraction, incarnez, pensez, ressentez ce que vous voulez obtenir. En ne se focalisant que sur les malheurs, c'est d'autres malheurs qui vont survenir. Un autre acteur important dans l'histoire de la loi d'attraction est James Allen. Cet écrivain et philosophe britannique déclare « Un homme est littéralement le reflet de ce qu'il pense, son caractère étant la somme de toutes ses pensées. » Il affirme également que les hommes n'attirent pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils sont. De nombreux auteurs ont ensuite participé à étayer cette théorie, jusqu'à ce qu'un film sorte en 2005 intitulé « Le secret ». Celui-ci est écrit par une journaliste de télévision australienne, Rhonda Byrne, qui a fait connaître au grand public la loi d'attraction. Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix d'un spécialiste en la matière. Cette voix, c'est celle de Jerry Hicks. Il est impossible de repousser loin de vous ce que vous ne voulez pas, parce qu'en repoussant quelque chose, vous en activez la vibration et par conséquent, vous l'attirez. Dans l'univers, tout se fonde sur l'attraction. En d'autres termes, l'exclusion n'existe pas. Lorsque vous criez « non » en direction des choses que vous ne voulez pas, vous ne faites en réalité que les inviter dans votre vécu. Et lorsque vous dites « oui » aux choses que vous désirez, vous en invitez la manifestation dans votre vie. N'est-ce pas Mère Teresa qui disait « Il ne faut pas se battre contre quelque chose, mais pour quelque chose. » En cherchant sans cesse à être dans la résistance, vous ne faites qu'amplifier le phénomène contre lequel vous vous battez, et la lutte sera sans fin, jusqu'à ce que l'épuisement vienne à bout de l'un des deux camps. Mais est-ce cela la victoire que vous souhaitez? Alors, deuxième conseil, changez l'orientation de votre combat. Ne luttez plus contre la malchance, par exemple, mais pour votre propre félicité. Cela va changer votre positionnement intérieur et directement modifier votre attitude et vos décisions. William Shakespeare lui-même le disait, « Se lamenter sur un malheur passé, voilà le plus sûr moyen d'en attirer un autre. » À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres avant nous se sont interrogés sur la meilleure manière d'attirer à eux tout ce qu'ils désiraient. Laissez-moi vous raconter. Les ondes positives sur Fadjet. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction la Chine des temps ancestraux. Un vieux paysan chinois possédait un cheval d'une rare puissance et d'une telle beauté que les plus riches du pays lui en avaient offert de fortes sommes. « Jamais je ne le vendrai, » répondit le vieux paysan. « Je l'aime comme mon fils. » Un jour, il se rendit à l'écurie et trouva la porte ouverte, le licol cassé. Son cheval avait disparu. Son fils et ses voisins partirent à sa recherche sans succès. « Tu n'as pas de chance, » dit son voisin. « Ton unique bête est la voilà perdue. » Est-ce une chance? Est-ce une malchance? Qui peut le dire? Dit le vieux paysan. Quelques jours plus tard, il découvrit devant sa ferme une douzaine de chevaux sauvages. Son cheval les avait attirés derrière lui en revenant du fond de la plaine où il s'était enfui. Voyant cela, son voisin lui dit « Oh, tu as de la chance, te voilà propriétaire de toutes ces bêtes. » Est-ce une chance? Est-ce une malchance? Qui peut le savoir? Répondit le paysan. Son fils, en dressant les chevaux sauvages, tomba et se brisa net les deux jambes. « Tu n'as pas de chance, » lui dit son voisin. « Ton fils va être immobilisé pour longtemps, alors que tu en as grand besoin pour te seconder. » « Est-ce une chance? Est-ce une malchance? » dit le paysan. « Qui peut le dire ?» 15 jours plus tard, une troupe de soldats et d'officiers fit irruption dans le village et enrôlèrent de force tous les jeunes gens valides pour pouvoir faire la guerre. Tous, sauf le fils du paysan qui n'était pas encore guéri. Son voisin lui dit « Tu as de la chance, ton fils ne doit pas partir faire cette sale guerre. On ne sait pas dans quel état nos enfants vont en revenir. » « Est-ce une chance? Est-ce une malchance? » dit le paysan. « Qui peut le savoir ?» Quelques mois plus tard, la guerre s'acheva. Certains n'en revinrent pas. Mais d'autres rentrèrent couverts de gloire et chargés d'un riche butin de guerre. « Tu n'as pas de chance, » dit le voisin. « Ton fils n'est pas revenu riche de la guerre. » « Est-ce une chance? Est-ce une malchance? Qui peut le dire ?» dit le vieux paysan. Richesse vite accumulée, richesse vite dilapidée, dit le proverbe, et la misère réapparut, encore plus dure à supporter suite à une période d'abondance. Tu as de la chance, dit le voisin, ton fils n'est pas rentré riche de la guerre, mais il n'est pas tombé dans cette misère noire et démoralisante où sont en train de sombrer nos propres enfants. Est-ce une chance? Est-ce une malchance? Dit le vieux paysan. Qui peut le savoir? Alors, suffit-il de croire très fort en quelque chose pour l'obtenir? Suffit-il de scotcher une photo d'une voiture de sport pour la voir apparaître le lendemain dans son garage? Non, évidemment. Cependant, nous avons vu lors de notre précédente émission que les croyances qui nous animent guident nos choix, nos orientations et finalement l'ensemble de notre vie. Si vous-même vous estimez n'être jamais capable de pouvoir obtenir une telle voiture, comment voulez-vous que cela vous arrive un jour? Le cerveau recherche la conformité. Vous vous croyez destiné à une vie de malchance et de malheur, vous trouverez à chaque événement le mauvais côté de la pièce qui vient confirmer cette croyance. Le célèbre penseur Alain lui-même disait « Si je crois que je vais tomber, je tombe. Si je crois que je ne puis rien, je ne puis rien. Si je crois que mon espérance me trompe, elle me trompe. » Allez, petit exercice. Renversons la vapeur. Voulez-vous penser à quelque chose qui vous tient réellement à cœur et observer le sens de votre pensée? Est-ce que vous vous dites « Oh, j'aimerais tellement obtenir ou faire telle ou telle chose. Je serais si bien si je l'avais. » Ce qui revient à dire « Je suis malheureux actuellement de ne pas l'avoir. » Commencez par ressentir de la gratitude pour toutes ces choses que vous possédez déjà, pour tout ce qui peut déjà vous rendre heureux. Aussi minimes soient ces choses. À présent, ouvrez en vous une porte, comme l'opportunité de poursuivre ce chemin de gratitude et de bien-être. Quelles sont les prochaines raisons qui pourraient vous rendre encore plus reconnaissant? Que pourriez-vous imaginer faire ou obtenir qui vous donne encore plus de joie? Ressentez en vous-même les sensations corporelles qui se produiraient en vous si vous veniez d'obtenir l'objet de votre désir. Dernier conseil, tombez en amour avec vos désirs, vos aspirations. Un désir aimant est un désir qui aimante. Voilà, maintenant que nous avons appris ce qu'était la loi d'attraction, il ne vous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il apprendre à savoir se battre. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives. We'll be right back.